Dans le club, il y a des go mortels. On va jouer les players rien que pour elle. Prêt à ambiancer ses mises. Soudain, le garde de cette métisse me stoppe. Je n'ai pas pu résister. Mystery really bonne, really bonne. Et c'est du vrai, pas du si, c'est du silicone. Tu t'éclates, tu déboîtes, tu squattes le podium. L'air est moite, la boîte, j'viens une fumerie d'opium. J'te mens pas, tu choques de haut en bas. Quand on voit ton bon pas, on dit mate la bomba. Ton regard ne trompe pas, tiens ce que les autres n'ont pas. Ne me mets pas de stop, gal, donne-moi ton bomba. Tu veux le son pour bouncer à la Beyoncé. Tu veux t'ambiancer, reste dans ta lancée. Je viens pas t'offenser même si je suis défoncé. Tu sais ce que je veux, n'est-ce pas? Et si tu viens pas, j'en mourrai pas. Mais ça te chauffe, approche, faut pas que tu t'arrêtes. Dans ma poche, j'ai ni mon phone, ni mes cigarettes. Viens claquer ma paye, siffler les bouteilles, vider les cocktails, vise la top modèle. Jette un œil dans le club, tu vois cette go mortelle. Trop belle, donne-moi ton phone et demain je t'appelle. Tu m'as trop rendu fou, miss. Impossible que je te oublie. Je pourrais pas.